cas d'urgence qui est arrivé hier soir. Laurence, en deux mots, mais elle va vous détailler ça avant que je vous présente l'équipe, va nous dire qu'elle avait une formation payée par Pôle emploi et elle avait un CDI, elle avait tout pour démarrer dans la vie. Mais comme Pôle emploi n'a pas payé la formation dans les temps, la pauvre, elle a perdu le boulot et aujourd'hui, elle va tout perdre. Son appartement, elle est désespérée, elle risque de se retrouver à la rue. Donc il va falloir évidemment essayer de comprendre si d'un côté on nous dit trouvez du boulot, on vous aide et qu'on ne nous donne pas ce qu'il faut pour trouver du boulot, ça va être compliqué d'en trouver. Ceci étant dit, il y a aujourd'hui autour de la table la baronne. Elle est là. Et figurez-vous que l'Assemblée nationale l'a appelée récemment pour lui dire on aimerait bien que vous veniez en tant qu'expert pour une nouvelle loi. Alors madame, s'est fait les ongles ce matin et elle nous regarde de haut. Maître Novakovic est avec nous. Bonjour Julien, bonjour. Merci, à tous. Mais ce n'est pas tout. Il y en a d'autres. Voyons ce qu'on a, ouvrons les tiroirs. Oh, Maître Felloneau est là, sous oui, un dossier, on l'avait oublié. Toujours, bonjour à tous. La Divina d'RTL est là. Et pour la négociation, le grand Bernard Sabat est là aussi. Bonjour Julien, bonjour à tous. Allez, cas d'urgence, écoutez bien ce cas parce que là, on est typiquement dans la catégorie on marche sur la tête. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, Laurence, je ne vous demande pas de nous raconter l'histoire, Maître Felloneau va le faire dans une seconde, mais d'accord. Aujourd'hui, vous nous avez appelé vraiment en urgence parce que là, l'avenir s'assombrit. Qu'est-ce qui risque de se passer dans les jours qui viennent pour vous? C'est très simple. De toute façon, je suis à la rue le 6 octobre. Je n'ai pas d'autre solution. Je ne peux plus payer de logement, je n'ai plus de boulot, je n'ai plus rien. Voilà, d'accord. Vous avez une famille, Laurence, ou vous vivez seule? Non, je vis seule. Bon, donc c'est de la cata. Et pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi a-t-on connu cette descente aux enfers? Eh bien, Maître Felloneau, en deux mots, vous nous l'expliquez. Alors, Laurence, ça partait bien plus tôt pour elle. Elle a trouvé une formation qui s'est achevée dans le courant du mois de mars. À l'issue de cette formation qui s'est très bien passée, elle a trouvé un job. Et attention, un contrat à durée indéterminée. La formation, c'est quoi? C'est le Pôle emploi qui l'a? Exactement, c'est Pôle emploi qui vous donne les moyens de vous mettre à flot avec une certaine compétence dans un domaine professionnel particulier. Cette formation, si vous l'avez bien suivie, que vous passez ensuite des entretiens, on espère un boulot à la clé. Elle a trouvé ce contrat à durée indéterminée qu'elle devait prendre le 1er avril. Mais ce qui se passe, c'est que cette formation, Julien, elle ne l'a pas trouvée près de chez elle. Elle était en Aquitaine et elle est obligée d'aller déménager à Montpellier pour suivre cette formation. D'accord. Et prendre ce boulot. Donc il faut là-bas se nourrir et se loger quand on n'a pas un centime. Et cette formation sert à ça, c'est l'argent. Alors cette formation, effectivement, vous êtes payé pour cette formation, mais vous êtes aussi défrayé. Et à l'avance, on vous paye le panier, on vous paye aussi le logement. Ouais. Mais le seul ennui, c'est que le logement, figurez-vous qu'elle l'a appris très tard, on lui payait que 5 jours sur 7. C'est-à-dire que le week-end, il fallait qu'elle aille coucher dehors. Elle n'avait pas de quoi prendre le train pour rentrer chez elle. Exactement. Sauf que sur le contrat, il est marqué que c'est 7 jours sur 7. Et donc, effectivement, elle s'est trouvée dans une situation atroce parce qu'elle ne pouvait pas emménager tout son argent. Elle l'a payé à l'avance, elle, ses frais. Elle n'était pas remboursée. Elle ne pouvait même plus prendre ce boulot. L'employeur l'a attendu quelques jours, puis après, il a pris quelqu'un d'autre. Elle n'a plus rien aujourd'hui. L'employeur vous a attendu combien de temps? Parce qu'il a été sympa au début. Il a dit, j'attends que vous trouviez, que vous ayez votre argent du Pôle emploi, mais moi, il me faut vite quelqu'un. Combien de temps a-t-il attendu? Il a été très sympa, il a patienté jusqu'au 21 avril, c'est-à-dire que mon contrat a été signé le 1er. Ouais. Il a même accepté que je me mette 4 jours en arrêt maladie, le temps de trouver une solution. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire vis-à-vis de lui, il n'y a pas de problème. Bon. Le problème, c'est Pôle emploi qui n'a pas payé ce qu'il me devait. En temps et en heure, parce qu'ils ont payé maintenant, ont payé mais trop tard. Ils ont payé, ça donne le problème. Le 15 juin. Aujourd'hui, elle a perdu son boulot, donc c'est là où on se dit qu'on marche un peu sur la tête, puisque cet argent qui est payé par la solidarité, je suppose, et tant mieux, nous on est là, moi je suis content de donner des sous pour qu'on puisse donner du boulot aux autres, mais si on les donne pas en temps et en heure ces sous, et que les gens n'ont pas le boulot, et qu'on repart donc dans le principe du chômage, donc la formation n'a servi à rien, on marche sur la tête. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un, lui trouver un boulot, évidemment, parce que cette pauvre dame, et croyez-moi, elle se bat pour en trouver, n'en a pas. Après, pour ce qui est les indemnisations, Laurence, j'ai envie de vous dire que ça, votre avocat, maintenant, on va lancer les procédures, on va leur en parler, mais c'est lui qui fera le boulot. Maintenant, je suppose que vous voulez un job. Moi, je veux un job, je veux un logement, je veux des sous, je veux tout. Mais oui, mais bien sûr, mais faire un job, c'est des sous, c'est... Très bien. Allez, Laurence, vous envoie 10 000. Envoyez-moi notre auditeur. Non, on va vous trouver un job qui vous permettra d'avoir le reste. Bon, Maître Novakovic, un mot. Je pense effectivement que c'est une aberration administrative. Alors, c'est vrai, on ne peut pas... aujourd'hui, on n'est pas un tribunal, donc il n'est pas question de négocier les dommages d'intérêt aujourd'hui. En revanche, l'objectif, c'est de trouver un emploi au plus vite. Mais bien sûr. Allez, on va lancer ça, on va appeler le Pôle emploi, pour surtout qu'il nous explique comment ça se passe, parce que c'est quand même complètement fou. L'appel va être lancé dans une seconde. Il y aura un deuxième cas derrière. Mais nous allons dans un premier temps vous rappeler que pour vous remercier d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h, je vous offre une nouvelle fois un MacBook Pro 13 pouces, 3210 touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, et ensuite vous répondez à la question qui était mon invité dans l'émission lundi dernier. Un indice, Motus, est-ce Thierry Beccaro ou le père Fouras? Donc 3210 touche numéro 2 et ensuite numéro 1, et après RTL SMS, vous envoyez RTL au 74 900, opération Popol Emploi. Nous allons les appeler et nous allons leur dire: les gars, si vous ne donnez pas les sous pour les formations et que les gens sont obligés de refuser les boulots, ça sert pas à grand chose. Donc soit on donne les sous tout de suite, soit on dit on n'en donne pas. Mais donner des sous pour qu'il n'y ait pas de boulot et qu'on se réinscrive au chômage pour refaire une autre formation après, ça nous coûte cher. A tout de suite sur RTL et bon week-end. Qui fait mieux que Conforama? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 euros en bon d'achat par tranche de 300 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros offerts ce week-end! Et oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur conforama.fr. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi? Mais... Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Jiffy, des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy, des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Bridget Jones est de retour. Et sa situation amoureuse est plus que compliquée. Entre une nouvelle rencontre... Salut, toi. Son ancien amour... Monsieur Darcy. Et un tout petit détail. Je suis enceinte? Mais qui est le père? Bridget Jones Baby, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Patrick Dempsey, le 5 octobre au cinéma. Yvonne vend appartement de pièces, travaux à prévoir, belle exposition. Elle est avec son chien, elle le promène. Michel cherche appartement de pièces avec travaux, belle exposition. Il est avec une jolie fille, il fait le tigre. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Michel Drucker, pour la première fois sur scène. J'avais cette envie depuis longtemps d'être seul avec vous l'espace d'une soirée pour évoquer mes souvenirs. 50 ans de carrière, rendez-vous compte, cette longévité qui n'en finit pas de m'étonner. Je vais vous raconter les coulisses, l'envers du décor. J'espère vous surprendre, vous émouvoir, mais aussi vous faire rire. Michel Drucker, au Bouffe Parisien à partir du 1er octobre. Avec RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors déjà, il y a deux aspects dans ce dossier. Il y a l'aspect boulot. Laurence, quelle est votre formation? Que cherchez-vous comme boulot, s'il vous plaît? Laurence, m'avez-vous entendu? Oui. Que cherchez-vous oui. comme boulot, s'il vous plaît? Si possible, quelque chose dans la communication, puisque c'est ce que je sais faire de mieux, dans l'infographie. Dans l'infographie, dans la communication et dans n'importe quel... Dans l'événementiel. Dans l'événementiel et dans la région, pas de région en particulier. Là, vous étiez prête à aller, j'ai vu, du côté de Montpellier. Oui, je suis toujours à Montpellier. Vous êtes toujours à Montpellier, donc voilà, dans le oui. sud de la France. Alors oui. après, il y a l'aspect logement qui est quand même salutaire, puisque donc oui. le 6 octobre, c'est terminé. Oui, mais si on lui propose un boulot à Lyon, donc on ne va pas lui trouver un appartement alors, à Montpellier. On peut commencer par le boulot, okay. Vous avez raison, Merci. Chaque chose en son temps. Allez, reprenez un petit café, Maître oui, Felonneau, oui. et je vous réveille dès qu'on a besoin de vous. Non, mais elle est mignonne, mais elle est tellement fougueuse, eh ben oui. elle va aller plus vite. Alors on va lui trouver un logement à Montpellier, on va lui dire, Laurence, on a un logement à Montpellier, et bonne nouvelle, on a un boulot à Strasbourg. Ah okay. Ah, quelle horreur. Alors, on y va, on appelle le Pôle emploi, si vous le voulez bien. C'est parti. Donc, si vous avez un boulot dans la communication, tout le sud de la France, par exemple, et puis même ailleurs, hein, allons-y, infographie, c'est vraiment pour aider quelqu'un. Allô ? Oui. Oui, je suis au Pôle emploi ? Oui, c'est bien ça. Je suis au Pôle emploi, service juridique ? Tout à fait. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, c'est madame Flamand ? Oui. Bonjour madame. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame Flamand, je suis avec Laurence Mathieu, qui nous a expliqué son cas. Vous voyez de qui il s'agit ? Pardon, vous avez dit quoi avant ? Alors, avant, je reprends. Je suis donc Julien Courbet. Courbet. Voilà. Et, vous... et je suis sur la radio RTL. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct. Direct. Et j'ai en ligne Laurence... Mathieu, qui m'explique qu'elle avait une formation, que cette formation débouchait sur un CDI qu'elle avait, mais comme l'argent du Pôle emploi est arrivé trop tard, elle n'a pas pu finir la formation puisqu'elle ne pouvait plus se loger, etc. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'elle est en ligne et elle, la pauvre, là maintenant, est dans une situation compliquée. Vous voyez de qui il s'agit ? Oui, je crois, mais je comprends pas la question. Vous ne comprenez pas la question. Alors, est-ce que pour vous, quel est le problème pour vous ? Son avocat, je crois que vous avez écrit ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, quel est le problème pour vous ? Pardon ? Alors, il y a quelqu'un d'autre qui me parle en même temps. Oui, parce que vous avez mis un haut-parleur. Ce qui ne me dérange pas, d'ailleurs, qu'on fasse une petite conf-call, comme on dit. Mais je suis juriste, mais la responsable juridique, ce n'est pas moi. Donc, d'accord, mais c'est... Je peux répondre à votre question. Voilà, madame, c'est vous qui vous êtes occupée du problème. Monsieur nous a saisi un avocat. Ouais. L'affaire est en cours. Nous avons répondu à l'avocat par un courrier très circonstancié sur ses demandes. Oui. Non, on voulait juste savoir, c'était pas ça ma question. D'accord. Vous voulez pas connaître ma question, en fait, madame. Ma question vous intéresse pas ? Mon avocat. D'accord. J'avais une question à vous poser, mais c'est tout ce que vous me dites. En fait, je n'ai. Ne nous a pas fait de réclamation. D'accord. Donc, ce n'était pas du tout ma question. Donc, si vous voulez. Pourquoi madame Mathieu vient. Puis-je vous poser une question, madame, s'il vous plaît ? D'accord. Est-ce que je peux vous poser une question ? Parce que ce n'est pas du tout ça ma question. Alors, c'est quoi ? Ah ! La voilà. Alors, je vous la pose. Est-ce qu'il est vrai, parce que nous, on se demande toujours si les auditeurs disent la vérité ou pas, est-ce qu'il est vrai que le Pôle emploi lui a donné de l'argent avec beaucoup de retard ? Ce qui a provoqué le fait qu'elle n'ait pas son boulot ? Non. Non. Donc, vous lui avez donné l'argent quand ? On va être très clair sur les dates. Non, je ne répondrai pas plus aux questions. Ah, c'est dommage. Monsieur Courbet. Oui. C'est dommage parce que ce n'est pas un secret de savoir quand vous lui avez donné l'argent. Laissez-moi parler juste 2 secondes. D'accord. Madame Mathieu a un courrier en main. Circonstances, oui. C'est 3 ou 4 pages avec toutes les dates qui ont été notées. Mais pourquoi vous ne voulez pas me les dire ? Mais je vais pas vous répéter le courrier que j'ai envoyé à Madame Mathieu. Madame Mathieu, qu'est-ce qui est marqué sur le courrier, s'il vous plaît ? Quelles sont les dates qui sont marquées sur le courrier, Madame Mathieu ? Eh bien, la dernière date, c'est-à-dire les 660 euros, c'est au 15 juin. D'accord, au 15 juin. Et vous auriez dû les toucher quand ? Eh bien, en avril. En avril. Est-ce que vous me confirmez ça, madame ? Puisque c'est marqué sur le courrier circonstancié de 3 pages. Écoutez, moi, je ne vais pas vous répondre à ces questions, puisque ces questions, j'y ai déjà répondu, d'accord ? Bon, ok. Toutes les questions auxquelles Madame Mathieu... D'accord. Bon, juste, madame, que vous sachiez pour info... Ont été répondues, d'accord, j'ai donc compris. Je ne vois pas ce que je peux répondre de plus que ce qui a noté dans Alors, le courrier de manière est-ce que vous... et okay. circonstanciée. C'est circonstancié. Ça, on l'a bien compris que c'était bien circonstancié. Est-ce que vous pourriez me passer, s'il vous plaît, le responsable du Pôle emploi là-bas, à Montpellier ? Non, ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas possible. Je suis bête. Là, je demande quelque chose quand même d'un peu compliqué, effectivement. Oui, attendez, monsieur Courbet. Oui. Je ne vois pas la façon dont vous prenez les choses. Mais je ne les prends pas. Il y a une dame, vous savez, cette dame, elle n'a plus de boulot et elle n'a plus de logement. C'est-à-dire qu'elle est à la rue dans quelques jours parce qu'elle a loupé un CDI parce que le Pôle emploi lui a versé l'argent beaucoup trop tard. Alors si vous, ça ne vous intéresse pas, nous, ça nous intéresse ici RTL d'essayer de trouver une solution. C'est juste ça. Parce qu'elle est en galère. Je veux juste que Laurence, et après vous raccrochez, comme ça vous passerez votre week-end dessus, et moi aussi d'ailleurs, Laurence, expliquez dans quelle situation êtes-vous exactement à cette dame, qu'elle l'entende et après on raccroche, on vous embête plus, madame, on vous laisse vivre votre vie à Montpellier. Laurence, dites-lui. Exactement à cette date. Je n'ai plus d'emploi, je n'ai plus d'appartement et je ne serai plus logée à partir du 6. Je suis domiciliée chez les SDF depuis le mois de mai. Où ça exactement Où êtes-vous domiciliée, madame ? Dites-le exactement. C'est une adresse temporaire à Issus-Corus qui regroupe en fait toutes les personnes qui sont sans domicile. Voilà. C'est pour ça qu'on vous appelle, madame, et je suis navrée s'il y a un courrier circonstancié. Avec ce courrier, elle va pouvoir se loger, il n'y a pas de souci. Excusez-nous de vous avoir dérangé, madame. On va appeler la direction du Pôle emploi. Monsieur Courbet, pardon ? Je le répète, tout a été répondu à Madame Mathieu. Oui. Alors on va demander à Madame Mathieu, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Pourquoi vous nous appelez, Madame Mathieu ? Puisqu'ils vous ont répondu, c'est que tout va bien. Alors, ce qui m'a été répondu, c'est que toutes les sommes ont été versées, chose que je ne conteste pas. Ce que je conteste, c'est la date des versements. Moi, ça m'a été versé le 15 juin. Parce que vous n'avez pas pu avoir le boulot à cause de ça. Voilà, j'ai pas pu le conserver. Mais là-dessus, est-ce qu'ils vous répondent là-dessus ? Ils ne vous répondent pas sur le fait qu'ils ont donné en retard et que du coup vous avez payé le boulot. Non, c'est juste un récapitulatif. Okay, c'est juste un récapitulatif des sommes versées, point barre. On n'embête pas cette dame à Montpellier et on va appeler, si vous voulez bien, à Paris. Maître Nocoche. Oui, madame. Si madame Mathieu conteste le courrier qui lui a été envoyé suite à sa demande, je ne comprends pas pourquoi ne le conteste pas. Là, je l'ai reçu il y a deux jours, madame. Elle l'a reçu il y a deux jours. Elle n'a pas contesté ce courrier. D'accord, non. Ok. Donc mais nous, on l'a reçu il y a deux jours. Mathieu conteste ce courrier. Et d'accord. De toute façon, donc, je ça marche. Son affaire, voilà. Eh ben, super. Allez, un dernier mot, maître Novakovic. Bonjour, madame. Alors, simplement une précision. Elle le conteste, et la preuve, puisque deux jours après, on vous appelle aujourd'hui. Donc, déjà, vous avez la preuve aujourd'hui. Donc, elle conteste. Non, mais elle veut un écrit, cette dame. Et deuxièmement, et elle le fera par écrit, bien sûr, sur nos conseils. Vous êtes son avocat ? Oui, oui, oui. Non, moi, je suis l'avocat de l'émission. Alors, et deuxièmement, je vous précise que vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de retard, parce que le médiateur lui-même de Pôle emploi mais a elle reconnu. A pas dit, non, non, mais c'est pas le problème. Elle dit dans le courrier qu'ils ne doivent rien et que c'est comme ça. Le médiateur, si le médiateur a été. Voilà. Si vous avez. Non, non, mais madame, on va faire. On vous embête plus. Je vous souhaite un bon week-end. Pas de soucis. Pas de soucis. Allez, madame, je vous laisse parce qu'il faut vraiment que j'appelle Paris. Je suis désolé, il faut que j'appelle le Pôle emploi Paris. Non mais madame, j'ai compris ce que vous m'avez dit, madame. J'ai bien synthétisé. Vous lui avez répondu par un courrier circonstancié de trois lettres très précises. Si cette dame n'est pas contente, elle renvoie un courrier elle-même circonstancié pour dire je suis pas contente, auquel vous répondrez par une nouvelle lettre circonstanciée. J'ai super compris, madame. Je vous assure, je ne vous en veux pas. Vous faites votre job. Il y a juste que là, elle dort dans un centre d'SDF. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'aller très vite. Mais comme ça va pas se décider à votre niveau, je vais passer à notre niveau. Et je vous souhaite et je vous remercie de nous avoir parlé. Et je suis navré si c'est le cas de vous avoir dérangé, madame. Vraiment. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Allez, dans une seconde, ça c'est notre opération fil rouge que nous allons avoir tout au long de l'émission. Il va falloir appeler, écoutez-moi bien, s'il le faut, le ministère du Travail. S'il le faut, le Pôle emploi Paris, vous me préparez tous ces numéros, Bernard. On est prêt, Julien. Et vous me ferez une petite alerte. Mais dans quelques instants, flashback sur les cas d'hier. Le feuilleton continue. Oh là là, je sens que l'émission va bouger sur RTL. A tout de suite, n'oubliez pas, le MacBook Pro, vous faites le SMS RTL au 74-900. Le guide Achète des vins 2017 est paru. Les meilleurs vins de France sélectionnés à l'aveugle. 450 coups de cœur, 2000 bons plans à moins de 15 euros. Grand cru, vins de terroir, des vins pour tous les goûts, à tous les prix. Le guide Achète des vins pour choisir sans se tromper. Disponible aussi sur achète-vin.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. 3000 euros. C'est moins. 2000 euros. Moins. Arrêtez de jouer. Pendant le mois cache-cache, votre cuisine est là à partir de 1690 euros. Cash. Cuisine est là. Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions en magasin. Salut, c'est Antoine de Caunes. Je suis là pour vous parler de liberté. Liberté de regarder les matchs de foot de Canal+ dans votre bain. Des films pendant une cérémonie ennuyeuse. Des séries en cachette au bureau. Cette liberté, mesdames et messieurs, on peut maintenant s'y abonner sans engagement dans MyCanal. Vive la liberté ! J'aurais dû faire de la politique, moi. Nouveau, découvrez Canal+ sans engagement dans MyCanal à 19,90€ par mois seulement. Et en ce moment, le premier mois est offert. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur mycanal.fr pour en profiter. Parlons des pros avec Renault Pro+. Jean, alors à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer, taxe, crédit bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, déco, linge de lit, toutes les nouvelles tendances sont là pour toute la famille à des prix irrésistibles. En ce moment, je bénéficie de prix incroyables à moins 40% sur des milliers de produits mode et maison de la collection automne. Livraison offerte en relais colis et à domicile sans minimum d'achat et retour gratuit. Voir conditions sur laredoute.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous allons donc revenir sur un feuilleton d'hier dans quelques instants. J'aimerais vous rappeler que vous avez un problème, par exemple, avec un dentiste, un chirurgien esthétique. Vous êtes tombé sur un plombier ou un garagiste sans scrupules. Vous faites tout de suite le 3210 ou Facebook, la page, ça peut vous arriver. Si vous êtes victime également d'une aberration administrative, Allez-y, appelez-nous vite au 3210. Un voyage raté, pourri, avec plein de photos. C'est parti, Facebook, page ça peut vous arriver, ou RTL.fr, ou 3210. Dans quelques instants, la suite du feuilleton. Le feuilleton du 9h30-11h sur RTL, où nous vous présentons maintenant Maroon 5 pour This Love. Bon week-end. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. Chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Une alerte donc sur le seul cas que l'on a fait depuis ce matin. Un cas, je vous le rappelle, d'urgence, puisqu'on a quand même une dame qui vit maintenant, en ce moment, dans un centre qui héberge les gens qui n'ont pas de logement, qui sont SDF, il n'y a pas d'autre mot. Tout ça parce qu'elle a loupé un CDI, parce que le Pôle emploi lui a donné l'argent un peu tard, lui a tout donné, mais trop tard, elle ne pouvait plus se loger. Donc à un moment donné, l'employeur a dit, moi j'ai attendu une semaine, j'ai attendu deux semaines, j'ai attendu trois semaines, on arrête tout. Vous avez appelé le ministère, Bernard Sabat? Oui, j'ai eu le ministère du Travail et le service presse a été très efficace. Ils m'ont donné carrément le contact de Laurent Fary avec un mail pour leur résumer la situation. Ils voudraient aussi le courrier d'échange circonstancié que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est important pour eux. Comme ça, ils vont essayer d'accompagner Laurence le plus rapidement possible. Donc Laurence, il faut que vous nous envoyiez par mail tous les courriers, notamment le dernier, et le courrier du Pôle emploi et la réponse de votre avocat, d'accord? D'accord. Alors d'accord, on fait ça tout de suite. On va essayer de faire ça si on peut. Hein, si, je ne sais pas si vous pouvez le faire concrètement ce matin, mais si on peut ce matin, il faudrait le faire ce matin. C'est idéal. Marie, de votre côté. J'ai appelé Pôle emploi Paris, le service presse, Julien, oui. Et ils vont tout de suite discuter avec Laurence. Génial. J'ai le responsable, monsieur Lafaille, il a dit on prend ça en charge tout de suite. Eh ben c'est super, parce que vous voyez, en plus, vous voyez, on est en période électorale et ça fait du bien de se dire que non, mais c'est vrai, je suis désolé, c'est vrai, parce que c'est de ça dont on a besoin, nous, du concret. Je crois que si les Français aujourd'hui se détachent de la politique, c'est parce qu'ils ont compris que la chanson de Dalida sera un tube éternel, encore des mots, toujours des mots, donc des actes. Ça serait bien qu'ils chantent encore des actes, toujours des actes, que rien que des actes, ça serait formidable. On continue avec vous, on lance toujours l'appel, hein. Vous cherchez une infographiste, quelqu'un dans la com, dans l'événementiel, tout le sud de la France, croyez-moi, Elle a les dents longues, elle a envie d'avancer, elle a envie de se battre, elle a envie d'avoir sa revanche sur la vie, notre Laurence. C'est clair. Alors, on vous tient au courant. Marie, vous récupérez. Nous revenons sur le péplum d'hier, très rapidement. Voilà ce que nous avait dit Brice, qui était passé lors de la journée porte ouverte. Il nous dit « J'ai acheté un aplatisseur à céréales. Je ne savais pas ce que c'était, je l'ai appris. C'est pour aplatir les céréales pour donner aux vaches. Le problème, c'est qu'il est tombé en panne, nous dit-il. Je l'ai acheté neuf et que depuis le mois de mars, on ne me le répare pas. On a tout essayé pour avoir une énorme entreprise. L'entreprise dont j'ai oublié le nom aussi, c'était la chanson, je me rappelle, de Jean-Patrick Capdevielle. C'était Beyser Environnement. Bon, Beyser Environnement ne nous a jamais rappelé. On a tout essayé. On a appelé 10 fois, on nous a raccroché au nez, puis après, vrai, ils répondaient même plus au téléphone, parce que je pense que c'est pas non plus dans la culture comme ça de l'entreprise, tout d'un coup, de passer sur un média, ce que je peux comprendre, mais on aurait pu au moins se parler hors antenne. Je crois qu'hier même, Charlotte, on a essayé de les joindre également, c'est ça, hein, on a pu avoir quelqu'un ou pas? Alors, on a essayé, Sarah a essayé de les appeler, et si vous voulez écouter ce que ça a donné... Alors, hier, on les a rappelés simplement pour dialoguer. Je rappelle que quand on appelle quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça veut dire simplement discutons pour essayer de comprendre. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a juste une solution. Bonjour monsieur, je suis Sarah Frick de l'émission de Julien Courbet sur RTL. Oui. On a essayé de vous joindre ce matin et je ne sais pas, il devait y avoir un problème technique, ça n'a fait que raccrocher. Je vais voir, je vais vous passer quelqu'un juste un instant. Ah, j'attends, merci. Beyser Environnement est le numéro 1 français de la citerne pour le stockage de tous vos produits. Oh putain. Oh, mais ça a raccroché. Alors, il y a eu quelqu'un qui a dit, oh putain, c'est chez eux ou c'est chez nous? Ah, c'est chez eux. Ah bon, d'accord. Alors, parce que je pense que quelqu'un, on a dû dire à quelqu'un, tiens, il y a Julien Courbet, réaction immédiate. Et elle est physiologique, hein, c'est normal. Oh putain, poum, et on raccroche. Donc, du coup, on a eu personne. Mais l'avocat de Beyser nous a envoyé une lettre dans la soirée avec une version des faits qui n'est pas celle que nous avons racontée. Donc, il va falloir que je parle à l'auditeur et que je confronte la version, et elle est tout à fait... Il n'y a aucune raison qu'on ne lise pas la lettre, de Beyser Environnement avec la version de l'auditeur. Et ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Beyser versus l'auditeur. Et puis il y aura un nouveau cas original au 3210, au Facebook, la page, elle peut vous arriver. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, avant que les infos arrivent, puisqu'elles sont là, elles tapent à la porte, on les retient, mais il va bien falloir les laisser rentrer à un moment donné. Les infos arrivent et je vous souhaite un bon week-end RTL. On en parle. Les pouvoirs publics ont mis en place un réseau de conseillers Rénovation Infoservice pour aider les particuliers qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique. Aline, vous en avez bénéficié? Oui, j'habite près de Lyon dans un immeuble des années 60 de 150 logements et l'année dernière, la copropriété a voté des travaux d'économie d'énergie. Donc il y avait l'isolation des murs par l'extérieur et de la toiture, le changement des fenêtres, la ventilation. Wow, ça fait une grosse facture j'imagine, non? Oui, oui. Et du coup, quand on a commencé à parler de travaux, je suis allée voir un conseiller dans un point rénovation infoservice et il m'a présenté toutes les aides collectives et individuelles dont je pouvais bénéficier. Et il m'a expliqué que dès la première année, je pourrais faire jusqu'à 40% d'économie sur ma facture de chauffage. Et comment vous l'avez contacté? J'ai trouvé les coordonnées du conseiller le plus proche sur le site Rénovation Infoservice. Merci. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou au 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Où va le monde? Quel est le sens de la vie? L'œuf ou la poule? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8 690 €, avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurne à LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache? Citroën. Offre sous condition d'emprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Restez avec nous sur l'antenne d'RTL. Restez avec nous sur la radio préférée des Français, où nous réglons vos problèmes par le sourire, par le dialogue, avec les avocats. Dans quelques instants, il y aura du lourd sur RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Mais avant le lourd, la finesse. RTL 10h. Car voici les infos avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. La France intensifie sa participation à la lutte contre l'État islamique en Irak. 8 avions de combat Rafale ont décollé ce matin du porte-avions Charles de Gaulle. C'est la bataille pour la reprise de la ville de Mossoul. La mission du Charles de Gaulle est prévue pour durer jusqu'à la fin du mois d'octobre en Méditerranée. Environ 4000 soldats français sont désormais déployés dans la région. Il y a le porte-avions et son armada de protection, les bases aériennes en Jordanie et aux Émirats, et puis aussi des instructeurs militaires français présents en Irak. Les chiffres de la consommation en France, les dépenses des ménages ont rebondi de 0,7% au mois d'août, après 4 mois consécutifs de baisse. Cette hausse s'explique en particulier par la reprise des achats d'automobiles et la hausse des dépenses en carburant. On a aussi fait davantage d'achats pour équiper les logements. Les dépenses en habillement et textiles sont en revanche restées quasiment stables au mois d'août. En ce qui concerne les prix, ils sont en baisse de 0,2% au mois de septembre par rapport au mois d'août. C'est surtout à cause des services liés au tourisme. Les prix baissent, c'est toujours moins cher de partir après la fin de l'été. Les produits alimentaires sont aussi moins chers sur un mois. En revanche, sur un an, il y a une hausse de l'ensemble des prix. L'inflation est de 0,4%. Dans l'actualité ce matin, il y a aussi les funérailles du prix Nobel de la paix Shimon Peres. Elles ont lieu sur le mont Herzl à Jérusalem où se trouve le cimetière national israélien. Les hommes et les femmes qui ont marqué la vie politique du pays y sont inhumés. Parmi les images fortes de cette cérémonie qui est en train de se dérouler, on retiendra notamment la longue poignée de main entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas a salué la mémoire de Shimon Peres, partenaire pour la paix des braves. Le Hamas islamiste palestinien lui reproche sa venue aux funérailles. Le Hamas considérait Shimon Peres comme un criminel. Le pape François est en vol pour le Caucase. Un voyage jusqu'à dimanche en Géorgie puis en Azerbaïdjan. Il va parler de réconciliation et de paix dans cette partie de l'Europe tiraillée entre Russie et Turquie. La mission de la sonde spatiale Rosetta aura duré 12 ans et elle s'achève aujourd'hui. À 13h20, l'Agence spatiale européenne va volontairement laisser Rosetta s'écraser sur la comète Chury. Vous pourrez, à partir de 10h30, dans une demi-heure, suivre le dernier voyage de la sonde en vidéo et en direct sur le site internet rtl.fr. Rosetta est la première sonde à avoir escorté une comète dans sa course pendant plus de 2 ans. Elle a récolté tant de données que ça occupera les scientifiques pendant des dizaines d'années. C'est elle aussi qui avait largué le petit robot Philae pour qu'il aille explorer la comète Chury. La Bourse de Paris a ouvert en nette baisse ce matin, moins 1,35%, et la chute est encore plus sensible à l'heure qu'il est, moins 2%. Le CAC 40 tourne autour de 4355 points. Ce sont les problèmes de la Deutsche Bank qui pèsent sur les marchés. La météo du jour, une perturbation avec de faibles averses est arrivée par les régions du nord-nord-ouest et puis elle va s'étendre au fil de la journée jusqu'à l'Aquitaine, le Limousin, le centre-val de Loire. Elle remontera aussi vers le Grand Est et la Bourgogne. Le soleil résiste de Midi-Pyrénées aux Alpes et à la Corse, mais attention, de la pluie soutenue est attendue du Languedoc aux Cévennes. Les températures, bien, elles baissent sous les nuages. 17 degrés au maximum attendu à Brest et Cherbourg, 18 à Paris et Metz, 19 à Lille, 22 à Dijon, mais vous aurez encore 25 à Lyon et Strasbourg, 26 à Bordeaux et Marseille et jusqu'à 28 à Toulouse et 29 à Agen. Les courses à Vincennes en nocturne, les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 5, le 18, l'As, le 17, le 12, le 15, le 8 et le 16. La dernière minute de Bernard, c'est l'As vis-à-vis. Il est 10h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. Mais vous savez, vous avez parlé des températures, mais avec vous, Marie, elles sont montées à plus de 40. Hein, quand je vous entends, c'est pas 28 degrés. À tout à l'heure, 11h. Je vous en prie. Nous sommes sur RTL, en direct. C'est l'émission qui, chaque matin, règle les problèmes des auditeurs avec le sourire, avec les meilleurs avocats. Maître Novakovic est là, Maître Fellono est là, toute l'équipe est là. Un petit point info sur ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Cas d'urgence, cas désespéré. Une auditrice nous appelle, nous dit « Je vis dans un centre SDF car j'ai loupé un CDI. J'avais une formation payée par Pôle emploi, mais le problème c'est que comme ils ne me l'ont pas payé en temps voulu, je n'ai pas pu me loger puisqu'il fallait qu'elle change de ville. Du coup, mon employeur a attendu une semaine, deux semaines, trois semaines. Moi, j'arrêtais pas d'appeler Pôle emploi. Donnez-moi l'argent que je puisse me prendre un petit appartement pour pouvoir aller bosser. Et c'était prévu que l'argent arrive à date X et elle est arrivée à date X plus je ne sais combien. Mais c'est trop tard, elle a loupé le boulot et maintenant elle n'a plus rien. On a appelé le Pôle emploi local, on a appelé le Pôle emploi Paris, on a appelé le ministère, où en est-on Bernard ? Pour le ministère du Travail, ça y est, ils ont reçu grâce à Olivier, notre stagiaire, le résumé du cas. Il leur manque juste le papier de l'avocat et des échanges avec Pôle emploi. Et Marie donc a eu donc Pôle emploi, le service presse. Et concernant Pôle emploi, Laurence a discuté avec monsieur Jean-Baptiste Lafaille, donc qui est le service presse du Pôle emploi, et je crois qu'elle a des bonnes nouvelles à nous annoncer. Ah bon, allô? Oui, j'écoute. Dites-moi. Oui, bah écoute, il m'a promis une réponse dans la journée, il m'a promis qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait, et voilà, on a refait un petit peu le point de génial. Je pense qu'il n'avait pas peut-être pris conscience de la gravité de votre situation actuelle. Ce que je vous propose, c'est qu'on attend les retours de ces gens-là s'ils appellent d'ici 11h, mais vous nous appelez lundi matin. Je compte vraiment sur vous pour me dire ce qui s'est passé cet après-midi. D'accord. C'est très important pour nous. On va vous donner un numéro magique en antenne. Bernard. N'oubliez pas, s'il vous plaît, Laurence, d'envoyer ce document de l'avocat et des échanges. C'est essentiel. Bon, oui, je vous les envoie sur quel mail, par contre? Je vais vous donner ça tout de suite sur mon mail personnel, à savoir bogos@disposweekend.com. OK? Voilà, vous l'envoyez là-dessus. En tout cas, merci. Mais je vous en prie, c'était important de vous aider. Et puis lundi matin, on aura du nouveau. Et merci au ministère du Travail, merci au Pôle emploi. Record de réactivité. On est content d'avoir des services comme ça dans ce pays, c'est formidable. Alors, on va retrouver. Parce que ça réagisse aussi vite, c'est qu'il y a vraiment un problème. Hein. Je pense qu'ils sont conscients. Et puis surtout, ça va contre tout ce qui est mis en place. On peut pas mettre en place des formations pour que les gens trouvent du boulot, puisque c'est quand même, le chômage est quand même la gangrène de ce pays. Si, quand on donne l'argent trop tard, ça empêche les gens d'avoir du boulot. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous allez vous réinscrire, repayer une formation. Et c'est ce qu'on appelle l'argent par les fenêtres. Donc, là, il y a un cas concret pour que l'on puisse vous aider. À tout de suite, dès qu'on a du nouveau. Merci. Dans une seconde, donc, attention, confrontation entre, d'un côté, la société qui nous dit Bayser Environnement, qui nous a envoyé une lettre hier soir, et l'histoire qui a été le péplum d'hier de Brice. Laissez-moi quelques instants et je vous tiens au courant et je vous lis ce courrier, puis on va confronter les deux. Dans une seconde, je vous rappelle également que vous pourrez gagner, enfin dans une seconde, dans 45 minutes, un MacBook Pro 13 pouces, 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1, ou SMS RTL au 74-900. Vous êtes sur RTL. Bon week-end à tous, à tout de suite. Ce soir dès 20h dans Soir de Ligue 1, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions. La Ligue 1, c'est ce soir sur RTL. Avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pour le magique anniversaire de But, venez gagner votre cadeau. Le grand jeu 100% gagnant n'est pas fini. Moi, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire modalité en magasin et sur but.fr. Comment je fais pour avoir de beaux cheveux dans tous mes films? C'est un secret de star. Bon, ok, je vous le dis. Mon secret s'appelle Vitalitis. Vitalitis, toute une gamme de shampoings et de soins pour que vos cheveux soient toujours au top. Alors faites comme moi, demandez les produits Vitalitis à votre coiffeur. Silence plateau, s'il vous plaît. Vitalitis. Avoir bien chaud pour bien moins cher, c'est le pari de l'or pour cet hiver. Alors elle profite des promos de la rentrée chez Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 30 septembre au 1er octobre, Bricomarché crédite sur votre carte de fidélité 5€ par tranche de 50€ d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 5€ tous les 50€ d'achat, infos et magasins participants sur bricomarché.com. Qu'est-ce que le bonheur? L'univers a-t-il un commencement? Juillet ou août? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990€ avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais pile ou face? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Brice, êtes-vous en ligne avec moi? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Alors Brice, hier on a essayé, on a vraiment tout essayé pour essayer d'avoir l'entreprise Bayser Environnement. Non pas qu'ils avaient quelque chose à cacher, mais ils n'avaient pas envie de communiquer. Ouais, alors, c'est bon, voilà. Donc Brice, vous, votre appareil est bloqué chez eux depuis combien de temps? Depuis mars dernier. Hein. Voilà, et il est sous garantie et on ne vous le répare pas, mais il y a une raison. Alors on aurait mieux à avoir cette raison et on l'a eu hier avec un courrier de l'avocat que je vais vous lire dans quelques instants. Qui dit grosso modo, alors il est long, hein, je vais résumer. Il nous dit en fait que vous auriez fait une installation sur la machine qui fait que, eh bien, il n'y a plus de garantie, qu'ils veulent bien vous la réparer, mais à condition que ce soit vous qui payez. Ils vous disent tel quel, cette installation... Alors, il s'est avéré que M. Pillman a pris sur lui, lors de l'installation du matériel, d'installer le support métallique de l'interrupteur de l'appareil sur le support moteur. Or, le moteur fonctionne en suspension, ce qui vise à assurer la tension des courroies. Le support de l'interrupteur et l'interrupteur se fixent donc normalement sur un support externe ou un mur. Donc, je vous pose la question, avez-vous fait cette installation ? L'interrupteur ? Ils ont parlé de ça ? Il y a marqué interrupteur. Le support de l'interrupteur et l'interrupteur. L'interrupteur était sur la machine quand on l'a reçu. Ah, vous aviez un interrupteur sur la machine. Mais est-ce que vous avez touché à cette machine ? Alors, je vais être plus terre à terre parce que vu que je n'ai rien compris à ce que j'ai lu, ça ne s'est pas trop entendu d'ailleurs. Je suis assez fier de moi. Oui, mais c'était très, on avait très, l'impression très que je maîtrisais le truc. Est-ce que vous avez fait des transformations ? Alors, nous, quand on a reçu la pâtisseur, il manquait juste une prise électrique. Donc, on a monté une prise électrique, point, pour que ça marche. Alors, c'est-à-dire qu'ils vous ont livré une machine qui n'aurait pas pu marcher ? Ah bah non, si on ne monte pas de prise électrique... Mais alors, pourquoi vous ne les avez pas appelés en leur disant « Attendez, je viens d'acheter une machine, il n'y a pas de prise électrique dessus, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bah ouais, bah mon père m'a dit que c'était normal, mais bon, a priori... Ouais, alors donc c'est là maintenant le débat, c'est qu'ils disent, eux, il a monté une prise électrique dessus... Enfin, j'avoue que c'est assez compliqué. Alors, Maître Félonet. Ouais. Alors, écoutez, cette prise électrique, justement, elle aurait dû être à l'extérieur de la machine. C'est ce qui vous explique. On met une rallonge et puis on branche sur une prise électrique sur un mur et non pas sur le. Parce que vous avez l'air d'avoir mis la prise électrique sur la machine elle-même. Moi. Non, c'est pas possible. Bon, vous avez modifié, en tout cas, cette machine. Oui. Et donc, ils se servent de cette modification pour expliquer la panne que vous subissez aujourd'hui. Et ils estiment que vous en êtes le seul responsable. Pour appuyer leurs affirmations, ils font état d'une expertise. Cette expertise, nous ne l'avons pas reçue, mais d'après ce que nous avons compris, c'est une expertise interne, c'est-à-dire ce sont leurs techniciens, voilà. Puisque ce sont des fabricants. Donc, elle n'est pas modo, contradictoire. On ne va pas dire que ça vaut rien, mais c'est tellement facile de faire soi-même une expertise. Ce qu'il faut, c'est qu'un expert extérieur vienne, parce que sinon, tout le monde va faire des expertises soi-même et on est tous gagnants. Et leur garantie, ils ne servent à rien. Hein. Bien sûr. Non, ne dites pas ça. La garantie, elle sert, mais attention, là, je me dois de vous redire que si on transforme quelque chose, bien sûr. C'est pour notre pomme. Donc, il faut juste vérifier que ça ait un rapport avec la panne ou pas. Oui, bonjour monsieur Maître Novakovic. Effectivement, il faut absolument qu'il y ait une expertise contradictoire, dans la mesure où une expertise privée, si c'est vraiment une expertise privée qu'ils ont fait, n'a pas de valeur. Et l'expert contradictoire, même que ce soit un expert privé ou pas, mais si vous êtes là tous, vous pourrez en discuter sérieusement avant éventuellement une expertise judiciaire. Ce que je propose, moi, voilà ce que je propose aux gens de chez Bézère Environnement, qui sont des gens sérieux, par la voix de leur avocat, puisqu'ils ne veulent pas parler, puisque... Alors, ils ont le droit. Attendez, ils ont tout à fait le droit. Un avocat, on le paye aussi pour souvent, ça. Ça nous arrive souvent. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'avancer. C'est qu'il y ait une réunion, mais qu'il faut un expert, vraiment un expert extérieur. Et l'expert va dire, oui, ça a un rapport, non, ça n'a pas de rapport, et on n'en parle plus. Voilà, c'est simple, c'est net. Maintenant, moi, j'aimerais bien quand même que Bézère, par la voix de l'avocat que Malin Hazard va rappeler cet après-midi, réponde à ce que vous nous avez dit, parce que c'est important. Vous dites que, parce que ça me paraît fou, l'appareil, quand vous l'avez acheté, ne pouvait pas marcher. Ah bah, impossible, impossible. Mais ce qui est fou, c'est que vous ne les ayez pas prévenus. Enfin, je comprends pas ça. Comment on peut... Vous vous rendez compte ? Il suffisait juste de mettre une prise électrique, quoi. Donc, donc vous n'avez pas voulu vous embêter, vous avez fait ça à l'ancienne. Ouais. Allez, on va le faire nous-mêmes. Mais ça, donc vous pouvez prouver que si vous enlevez votre prise électrique que vous avez montée vous-même, ça peut pas marcher. Ah bah pas possible, non, c'est sûr. Bon, alors voilà, c'est pour ça que... Est-ce que quelqu'un chez Bézère Environnement peut parler hors antenne, pas à l'antenne ? Voilà, oublions, il n'y a pas d'RTL, il n'y a pas d'antenne, Même qu'il me contacte. Et qu'il le contacte, parce que vous n'arrivez pas à les avoir. Ah bah moi, j'espérais qu'hier après-midi, il me contacte, quoi. Bon alors, contactez-le, Bézère Environnement. Vous allez voir, discuter. Quitte à ce que chacun fasse un petit bout du chemin, mais si on ne se parle pas, on n'y arrivera pas. Voilà, on est du contact. Ça marche. Parce que le dernier coup, j'ai essayé d'appeler, on m'a quand même raccroché au nez, donc... Je reconnais qu'ils sont certainement pros, mais qu'est-ce qu'ils sont difficiles à contacter Quand tu appelles Bézère, depuis très longtemps... Personne te répond pour faire bouffer les vaches à crincer ma femme. Vous allez bouffer les yeux dans les dents. Mais voilà, il faut arrêter tout de suite maintenant ces histoires. Amis de Bézère, soyez sympas, appelez-le directement, vous avez son numéro. Si lundi, vous n'avez pas de nouvelles, eh bien on relance le dossier Bézère et nous on appelle l'avocat pour lui dire ce que vous nous avez dit. Et on demande une petite expertise, si jamais vous n'arrivez pas à trouver un accord, parce que je suis sûr qu'en plus vous allez en trouver un, eh bien on demandera une petite expertise, quelqu'un viendra et nous dira, voilà ce que je pense. Mais d'extérieur, on ne peut pas faire une expertise. expertise avec quelqu'un de la maison. Non. Faudrait être fou pour qu'un employé fasse une expertise et tape sur l'entreprise, bien sûr. On fait ça? Donc lundi matin, si vous êtes sur l'antenne d'RTL, quoi qu'il arrive, c'est noté. D'accord. Merci. Est-ce qu'il se passe quelque chose, mon petit Bernard ? Oui, Julien, le standard explose. Dans le bon sens du terme pour Laurence, on a un chauffeur routier qui écoute cette émission, qui est fidèle de RTL. Attends, j'ouvre une parenthèse. Sa femme s'appelle Ruti à Bernard Sabat et il est tellement amoureux qu'il a dit on a un chauffeur routier. C'est fou, ça. On va réécouter tout à l'heure, mais c'est l'amour, ça, mais alors avec un grand A. Donc... Et il a vu donc sur un panneau d'affichage qu'il y a une entreprise qui s'appelle M Communication à Saint-Étienne-de-Rouvray qui cherche un graphiste. Donc je viens donner les éléments à Laurence, j'espère qu'ils pourront faire affaire. Déjà, malheureusement, c'est pas la même région. Malheureusement, j'ai peur que cette ville soit connue pour un drame qui s'y est déroulé. Je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas. Mais peu importe. Il faut déjà demander à l'auditrice si ça peut, elle, l'intéresser d'aller là-bas et deux, appeler l'entreprise éventuellement. Nous allons, si vous le voulez bien, nous retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL avec un nouveau cas. Une nouvelle aberration, c'est le cas de Pauline. Voilà ce que Pauline nous dira dans une seconde. Ma mère a déménagé et depuis, c'est une catastrophe. Voilà 4 mois qu'elle ne perçoit plus son aide au logement pour vivre. C'est très difficile financièrement pour elle. Tout ça à cause d'un document administratif qui se serait perdu. Nous allons nous occuper de ce cas dans quelques instants. J'attends tous vos appels au 3210. Problèmes dentistes, chirurgien esthétique, plombier, garagiste sans scrupule, 3210. Facebook, la page, elle peut vous arriver. Aberration administrative. On me dit que je suis mort alors que j'arrête pas de leur dire que je suis vivant. Ou bien, j'ai fait un voyage avec des photos. C'est une catastrophe. J'ai acheté une voiture. C'était une Renault. Il y avait un moteur de Peugeot. Enfin, toutes ces bêtises-là qui sont des problèmes souvent insolubles. Bernard, juste la preuve par le son que vous aimez votre femme, et ça je pense que quand on aime à ce point sa femme, il faut le dire à des millions d'auditeurs, écoutez. On a un chauffeur routier qui écoute cette émission. Un chauffeur routier. Alors soit c'est un fan de Johnny, mais c'est possible aussi. On a un chauffeur routier. Non, Julien, elle me guide depuis 32 ans. Donc. C'est le routier. Oh, routier, c'est à toi que je dédie cette chanson. Nous allons... C'est vendredi aujourd'hui, c'est pour ça. Je suis contente de m'appeler Nathalie, finalement. Ah oui, vous vous rendez compte, c'est fou, ça. A tout de suite sur RTL, on vous aime. Bon week-end à tous. Montez le son de votre radio, montez, montez! Il y a un nouveau prix inratable chez U. C'est au rayon boucherie. L'épaule de porc sans os à rôtir, origine France, est à 2,97€ le kilo seulement. Impossible. Si, 2,97€ le kilo, la savoureuse épaule de porc. C'est inratable. Faites-moi plaisir, ne le ratez pas. Ce serait dommage pour vous. Oh non, ce serait trop dommage. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants et sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Jiffy, des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy, des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Éveille-toi à Paris. Ouvre les yeux à la lumière de nos phares. Admire le spectacle métallisé. Oui, Paris. Éveille-toi. Chérie, tu fais quoi, là ? Je me prépare pour le mondial de l'automobile. Je vis l'automobile, moi. Je me sens déjà à Paris, porte de Versailles. Allez, vivez l'automobile ! Mondial de l'automobile, du 1er au 16 octobre, de 10h à 20h. Nocturne les jeudis et vendredis jusqu'à 22h. Plus d'informations sur mondialautomobile.com. Il y a des prix qui vous font dire... Non mais une douche froide le matin, ça réveille ! Et il y a les prix Leroy Merlin. Toute l'année, 1290€ seulement, la chaudière à gaz Vergne MCE2 à condensation instantanée. Pour de l'eau chaude sans attente et jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière classique. Assistance téléphonique incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûre de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous avons deux reines de la chaussure dans le studio. Vous savez que Maître Fellono et Maître Novakovic font des concours chaque jour à celle qui aura la paire de chaussures la plus excentrique. Eh bien, ça tombe bien. Je vais donc vous dédier Cœur de Pirate, Arthur H. et Marc Lavoine, puisque c'est la comédie musicale Les Souliers Rouges. Voici Vivre ou ne pas vivre sur RTL avant d'attaquer. C'est une vraie aberration administrative dans une seconde. Ah ben oui, vous en voulez aujourd'hui. Vous êtes gâtés. Toute l'émission va être là-dessus. Maintenant, elle nous fait la mère de Nier. Ah ben oui. À tout de suite. Sur RTL. Ça m'énerve. Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve même à tout prix, tout donner le jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être nu, être bon, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Vivre ou ne pas vivre. Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Arthur H, Marc Lavoine sur RTL. Nouveau cas, aberration administrative sur RTL. Ça démarre tout de suite avec Pauline qui nous a laissé ce message. Ma mère a déménagé et depuis c'est une catastrophe. Voilà 4 mois qu'elle ne perçoit plus son aide au logement pour vivre. C'est très difficile financièrement pour elle. Tout ça à cause d'un document administratif qui se serait perdu. Elle a tout dit la Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Julien. Pauline, vous devez vous dire on marche sur la tête. Oui. Voilà. Pauline n'a pas envie de faire de longues phrases sur matériel, elle a bien raison, elle veut de l'efficacité. Parce que sa maman Liliane, qui habitait dans le Calvados, a déménagé dans la Manche. Elle a donc fait des démarches nécessaires auprès des CAF de Caen et de Saint-Lô pour continuer à percevoir son aide au logement. Et fin juillet, sa mère reçoit un courrier de la CAF de Caen, lui indiquant qu'elle n'allait plus percevoir d'APL. Elle s'attend donc à recevoir rapidement des nouvelles de la CAF de Saint-Lô. Mi-septembre étant toujours sans nouvelles, votre mère se renseigne auprès des deux CAF et découvre que le certificat de transfert de la CAF de Caen n'est jamais arrivé à Saint-Lô. Il doit être renvoyé et avec les délais d'attente de traitement du dossier, on dit à votre mère que vous ne recevrez pas les APL, qu'elle ne recevra pas les APL avant décembre. Alors vous avez téléphoné à la CAF de Saint-Lô pour leur dire mais sans les APL, elle ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est pareil pour tout le monde, c'est ça? Que c'est pareil pour tout le monde et qu'il y avait des délais d'attente pour tout le monde. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, Pauline, à 10h23 en direct sur RTL en ce vendredi 30 septembre, depuis combien de temps attend-elle maintenant cet argent? Eh ben, elle a déménagé en juin, pour le 1er juin, elle a déménagé. Tous les papiers ont été faits en juin, donc depuis juin. Elle vit avec une pension d'invalidité. Avec combien vit-elle tous les mois? Ça fait 700 euros. Elle vit avec 700 euros par mois. Donc sans cet argent, ça doit être juste l'enfer. Avec 700 euros, se nourrir, se loger, c'est juste incroyable, maître Fellonneau. Oui, cette pension, cette allocation logement, elle est de 124 euros. Et elle l'attend donc depuis le mois de juin. Elle ne pourra pas passer 6 mois sans cette APL. Ce qui est absolument aberrant, c'est qu'effectivement, sur le papier, il y a des aides qui sont formidables, mais dont on sait que les gens en ont besoin. C'est vital. Et ces délais de règlement, mais ils ne sont pas supportables. supportable. Les gens sont effectivement, d'accord, comme notre amie la première, sont effectivement à 20, 30, 50 euros par mois. Nous allons donc appeler immédiatement, si vous le voulez bien, la CAF qui est concernée. Donc, est-ce après que le bip, c'est d'abord celle de Caen ou celle de Saint-Lô? Saint-Lô. Celle de Saint-Lô. Là, on est à Saint-Lô, on est d'accord. Hein. Appuyez sur dièse pour ne pas. Celle qui aurait dû recevoir, celle qui doit donner. D'accord. Parce qu'ils ont reçu maintenant. C'est un numéro unique. Je... Bonjour. Ah, c'est un numéro unique. La caisse d'allocation familiale. Pardon. Oh, c'est moi, Larsen, excusez-moi. J'ai mis mon casque un peu fort. Si vous souhaitez avoir des informations personnalisées. Alors, il faut savoir que dès le 15 septembre 2016, elle a adressé une mise en demeure au directeur de Caen et elle l'a alerté sur la situation extrêmement grave dans laquelle elle se trouve, graphine ce plan financier. Et malheureusement, il n'y a pas de suite. On lui dit simplement, c'est pour décembre. C'est inadmissible. Ce qui est inadmissible, c'est qu'en fait, il lui dit ça. Je peux comprendre qu'on dit il n'y a pas de passe-droit. Après tout, tout le monde est à la même enseigne. Mais à partir du moment où vous faites une bêtise, que vous êtes trompé, là, il doit y avoir un passe-droit pour rattraper le temps perdu. On lui dit non, on a mis 2 mois à avoir le papier, c'est notre faute, mais à partir de 2 mois, c'est le même délai pour tout le monde. Et là, ça devient inadmissible. Qu'est-ce que ça dit au niveau du répondeur? Ça dit qu'il faut un numéro allocataire, que je suis en train de taper Julien, mais malheureusement... Terre est toujours incorrect. Voilà, c'est incorrect. Malheureusement, c'est toujours... il vous est impossible de vous identifier. C'est toujours la même histoire avec tous les numéros. Mais oui, si vous souhaitez pourtant, vous faites des le bon. Informations personnalisées sur votre compte, tapez 1. Si vous souhaitez appelez-moi obtenir Paris. Des informations générales ou si vous êtes non... Ça marche pas avec Saint-Lô, appelez-moi Paris. Veuillez saisir votre numéro allocataire. Oui, parce que le numéro allocataire, vous savez, ça reconnaît à la fréquence vocale, puis ça reconnaît pas alors qu'on fait le bon. Ça, je peux vous dire qu'on est derrière puisqu'on a du matériel très perfectionné. Quand on tape un numéro, il l'apparaît. Donc il suffit, une fois qu'on l'a tapé, de vérifier que tous les numéros sont bons et ils le sont. Nous appelons donc à Paris où là, c'est un bon vieux 01. C'est pas un 0810 à Paris. Il y en a un qui a compris qu'il fallait travailler à l'ancienne. Et il a bien raison. Alors, je ne sais pas si on tombe là sur le patron, sur la secrétaire du patron. 52-52 à la fin, Julien, ça ne va pas être le patron direct. Hein, ou sur personne, parce que c'est bien parti pour aussi. Bon, réessayez quand même Saint-Lô tout à l'heure, mais on va continuer. C'est... Oh là là, on n'aura pas le temps d'organiser un duplex. J'aurais bien envoyé quelqu'un là-bas tout de suite, moi, mais... On va regarder, non, ça va être pour lundi matin, sinon le dupec. Vous inquiétez pas, Pauline, là, on va remuer ciel et terre pour essayer d'avoir quelqu'un. Est-ce qu'il y a un ministère qu'on pourrait déranger? Parce qu'on a, j'aime bien déranger un ministère tous les matins. Hier, c'était les affaires sociales, ce matin, c'est le ministère du Travail. Est-ce que, non, mais c'est affaires sociales, ça? Oui, hein? Eh ben, allons-y, hein, on y retourne. On retourne au ministère des Affaires Sociales. Il ne faut pas que la ministre pense qu'on a quelque chose contre elle. Au contraire, on fait appel à elle parce qu'on pense qu'elle est efficace pour régler les problèmes. De toute façon, on ne dérange jamais plus rien. Si on dérange, mettez-vous maintenant 2 secondes, coupez la sonnerie, parce que voilà, c'est l'essence même de l'émission et je le rappelle souvent. Voilà une dame qui a 700 euros par mois. Cette dame a 700 euros par mois, elle ne peut pas vivre sans son allocation. Elle change de CAF, elle fait tout ce qu'il faut. La CAF A n'envoie pas la CAF B, ou le papier se perd, enfin bref, elle ne l'envoie pas. Eh bien aujourd'hui, parce que la CAF A n'a pas fait son boulot auprès de la CAF B, elle ne peut plus vivre, et quand vous appelez pour essayer de faire valoir vos droits et que vous tapez votre numéro d'allocataire, ça ne marche pas parce que leur système maintenant de tout taper à l'avance, ça marche une fois sur deux. Quand vous appelez le siège, ça ne répond pas et vous êtes là et vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout ça me tombe sur la tête. C'est juste ça que vivent au quotidien les Français. C'est pour ça qu'ils iront voter à un moment donné en se disant j'en ai ras-le-bol, ou pas voter du tout d'ailleurs, parce qu'ils disent ça ne sert à rien, ça bouge pas. Alors dès qu'il y a une petite réponse, parce qu'il va y en avoir une alerte. Oui, d'accord. Oui. Est-ce qu'après, nous savons ce qui va se passer? Nous ferons le point info, bien sûr, et nous allons revenir après sur... Sur nos grands classiques, oui. Ça s'est passé hier, oui. Julien, avec notamment un cas qui est important, c'est un cas du Crédit Mutuel. Ah, je me rappelle, tout à fait. Il bafouille, le pauvre, vous savez, c'est le supporter de Nice, le rédacteur en chef qui nous dit depuis quelques jours, on nous sommes premiers au classement, nous avons acheté Balotelli, etc. Vrai, et nous avons pris hier une petite raclée en Champions League ou en Europa League, donc ça le fait bafouiller. 5-2, à tout de suite sur RTL. Qui fait mieux que Conforama? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 euros en bon d'achat par tranche de 300 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros offerts ce week-end! Eh oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur conforama.fr. Affligem, cuvée blonde. D'abord, contemplez les reflets dorés de sa robe millénaire. Puis, ressentir toute la richesse du bouquet fruité d'Affligem. Enfin, savourer le subtil équilibre de ses notes de fruits jaunes et de miel. C'est l'instant où se révèle la parfaite harmonie d'Affligem cuvée blonde. Affligem, et si la bière se dégustait? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, c'est parti pour 4 semaines! Le filet de bœuf à rôtir Jean Rosé Origine France est à 18,90€ le kilo. Oui, 18,90€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à demain, dépêchez-vous! C'est ça l'anniversaire Intermarché! Intermarché, tous unis contre la vie chère! Viande bovine filet 3 étoiles à rôtir. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL, donc dans une seconde, nous allons essayer d'avoir des nouvelles des différentes CAF de Caen, de Saint-Lô ou d'ailleurs. Où en est-on d'ailleurs ? Eh bien écoutez Julien, normalement on va me passer quelqu'un. Ah, à Saint-Lô ou à Paris ? À Saint-Lô, enfin le numéro le général. Ah, donc vous avez réussi à rentrer le numéro d'identifiant. Ah non, je suis passé par un autre chemin. Bien joué. Elle adore passer par les autres chemins, Julien. Vous savez y faire quand il faut passer par un autre chemin. Ah, ça me donne envie d'écouter Adèle, tiens. Avec la perspective qu'un jour ou l'autre, elle passerait elle aussi par un autre chemin. Adèle, Send My Love sur RTL. Bon week-end. Réglez vos problèmes, c'est ce que nous faisons entre 9h30 et 11h chaque jour. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. Toutes les musiques sont sur RTL dans le 9h30-11h. Voici maintenant celui qui nous a appelé hier. Nous donnons des nouvelles de Bernard. Bernard, c'était lors des journées portes ouvertes hier jeudi. Bernard, bonjour. Bonjour. Bernard, je résume très rapidement la situation. Vous étiez à Tarbes où vous aviez un compte au Crédit Mutuel. Vous décidez d'aller vivre dans le sud, mais l'autre, le sud-est, au soleil. Au soleil, prendre un au Crédit Mutuel. Vous faites des rimes, vous chantez, mais quand vous arrivez au Crédit Mutuel là-bas, vous dites, bah, vous allez me changer mes comptes, vous allez passer ceux de Tarbes à ceux de... C'était quelle succursale ailleurs ? La Garde. La Garde, à ceux de La Garde. On dit, ah ben non, là, c'est pas possible, c'est très compliqué, il faut que vous fermiez le compte à Tarbes, que vous en ouvriez un autre ailleurs. Et on se dit, mais c'est pas possible que ça soit aussi compliqué. Bref, on a essayé d'appeler tout le monde, et ça a bougé un petit peu, apparemment, dans l'après-midi, puisqu'on a eu quelqu'un qui veut nous parler, et c'est formidable. Ah, alors, je suis désolé, on va vite faire une alerte, parce qu'elle est importante. C'est quoi ? La CAF, Julien, en ligne. Bonjour la CAF, vous m'entendez ? Votre numéro locataire, monsieur, s'il vous plaît. C'est le 04 62 971. 04 62 900. 71. Vous êtes monsieur ? Alors, c'est pour le cas de madame. Comment s'appelle votre mère, Pauline ? Moi, je suis Liliane. Liliane. C'est dans quel département ? Répondez, Pauline. Vous avez entendu ? Dans le 50. Dans le 50. Le numéro que vous m'avez donné, ça concerne madame Liliane... Voilà, alors je vous explique, je suis alors, Julien Courbet. Non, vous allez voir madame... le dossier sous les yeux. Madame, déjà, laissez-moi juste vous expliquer, parce que vous allez voir que ça va changer tout à notre conversation. On est en direct à la radio, c'est Julien Courbet. Je vous appelle parce que Pauline est la fille d'une dame qui n'a toujours pas touché, il y a 3 mois de retard apparemment, ses APL, elle est dans une galère monstre, elle ne peut plus se loger. D'accord. Voilà, est-ce que vous pouvez faire accélérer le dossier ? Merci. Je vous fais patienter, monsieur. Avec plaisir, madame. À tout à l'heure, madame. Vous récupérez Marie ? Merci. Et là, vous avancez hein, si vous avez quelqu'un. Donc, j'ai quelqu'un du Crédit Mutuel concernant ce changement de compte qui nous paraissait tout à fait facile pour passer d'une banque à une autre et pour qu'il ne soit pas obligé de changer de banque. J'ai monsieur Jean-Marc Mathieu Dakis, directeur du réseau du Crédit Mutuel Méditerranée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Donc, monsieur, est-ce qu'il est possible pour Bernard, qui a choisi le Crédit Mutuel parce que c'est une bonne banque, il est à Tarbes, il se dit, je vais garder cette bonne banque dans le Sud, je voudrais qu'on transfère mes comptes, on lui dit, c'est pas possible. Non, je sais pas comment on a pu lui dire ça, parce que une opération de transfert d'une fédération à une autre est quelque chose de tout à fait courant et ordinaire, et donc je vais m'attacher à ce que effectivement le transfert des avoirs et du compte donc de monsieur Bernard Meyer puisse être effectué à la Caisse de la Garde donc sans aucun problème et avec la plus grande diligence possible, et je m'en porte garant. Voilà. C'est parfait, monsieur. Mais écoutez, voilà, parce que ça nous paraissait tellement... Ah oui, bien sûr. Mais il y a dû avoir un petit problème de communication. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a eu un problème de communication lié au fait que notre directeur de la garde a changé. Le temps que les choses se mettent en place, notre client a dû être un peu inquiet. Mais je me porte garant auprès de cette antenne pour dire que le transfert se fera sans encombre. Et je m'en occupe tout de suite après c'est cet appel pour pouvoir organiser les choses immédiatement. Allez, voilà. Un petit mot de Bernard Sabat. Monsieur, je me permets de vous annoncer quelque chose d'important. Votre directrice de Tarbes avait exactement le même raisonnement. Elle nous a dit c'est totalement impossible. Donc ça veut dire qu'on a deux interlocuteurs à la garde et à Tarbes qui disent la même chose. Donc c'est important que vous repreniez le dossier en main. Eh bien c'est parfait. Exactement. Bravo voilà. Donc à monsieur Mathieu Dakis, le directeur du réseau du Crédit Mutuel qui prouve que le Crédit Mutuel réagit tout de suite quand il y a un souci et qu'il n'y a jamais de souci. La satisfaction du client étant votre priorité, je suppose. Tout à fait. Et bon, qui se rassure, je m'en occupe. Voilà. Merci au Crédit Mutuel. Est-ce que notre auditeur est en ligne ? Oui, merci à vous. Vous avez entendu Bernard ? Oui, impeccable. Le patron s'en occupe. C'est la tournée du patron. Merci beaucoup. Okay, ça marche. À bientôt. À bientôt, monsieur Dakis. Merci beaucoup. À bientôt. Eh ben voilà, écoutez, on peut se mettre notre petite musique, hein, parce que voilà. Merci Bernard de nous avoir appelé. Merci. À bientôt. Et à monsieur Dakis d'avoir réglé le problème. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt, monsieur. À bientôt. Bon, voilà, merci. Au revoir. Vous coupez la on ligne, sinon ça va durer deux. C'est extraordinaire. Ça fait 10 mois que ça dure avec le client, donc pourquoi pas. Alors attendez, il y a une alerte. C'était fantastique ce qui vient de se passer. Il y a une alerte, Marie. Le siège de la CAF à Paris a fini par répondre le 01 Julien, et on va essayer d'avoir le patron, on est en train de me le passer. D'accord, génial. Pendant cela, je continue à dire au revoir au monsieur du Canada. Au revoir. Oui, va aller, au revoir. Au revoir, monsieur, à bientôt. Oui, au revoir. Bon, nous allons. Au revoir. Oui, au revoir, monsieur. Nous allons passer. Au revoir. Ah, vous êtes encore là. Au revoir, monsieur. Eh bien, nous allons. Au revoir. Ah, excusez-moi, au revoir. C'était surnaturel, on aurait fait ça au théâtre, on n'aurait pas pu l'écrire, mais il est sympa en tout cas. Alors là, moi je dis, monsieur Mathieu Dakis, directeur du... Il n'est pas directeur pour rien. Exactement. C'est génial tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Le week-end démarre bien, on se retrouve dans quelques instants parce que nous aurons apparemment un haut responsable de, vous m'avez dit... De la CAF à Paris. Et oui, pour sa mère, qui vit avec 700 euros sa pension invalidité, qui n'a toujours pas ses APL, 3 mois de retard, et on lui dit, il faut attendre, c'est comme ça. Ah ! Alors, commencez, il faut que je marque une pause. Amorcez, parlez-lui de vous, de votre petite robe et tout ça, ça le fera tenir. À tout de suite. Carrefour. Franck, Si tu passais à la foire au vin Carrefour pour découvrir la sélection de Paolo Basso, c'est en ce moment. Attends, Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde 2013? Oui, et par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée, la deuxième est gratuite. Ah bah ça, c'est parfait pour ma cave. En ce moment, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée à 13,90€, la deuxième est gratuite, soit 6,95€ la bouteille. Château Grayssac 2014, Médoc Cru Bourgeois, 250 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi? Mais... Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour, c'est Pierre d'M6 Boutique. Écoutez bien, des nouveautés, des réductions et la livraison gratuite en point de retrait sur tous les produits de l'émission. C'est pour vous, samedi 1er octobre, dès 8h30 avec M6 Boutique. Je compte sur vous. Valable pour toute commande du 1er au 27 octobre 2016, voire liste des points de retrait disponibles pour chaque produit sur m6boutique.com. C'est un très beau bébé, madame. Mais c'est une fille ou un garçon? Eh bien, c'est... On a l'air discount. Je dois filer. Aujourd'hui, les cuisses de poulet blanc ou jaune origine France sont à 1,95€ le kilo chez Netto. Oui, 1,95€ le kilo. Quel heureux événement, c'est à l'air discount. Netto, le discounter qui fait la différence. 1,5 kg environ. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur RTL. Nous avons quelqu'un apparemment donc de la CAF. Marie, vous me le confirmez? Oui, je suis en train de donner toutes les informations, Julien. Ils n'ont pas accès directement au dossier apparemment au siège, mais je suis en train de discuter avec cette dame qui prend toutes les coordonnées. Donc Pauline, ne s'inquiète pas. On a maintenant quelqu'un de la CAF qui va essayer de savoir ce qui se passe exactement et je l'espère donner un petit coup de pouce pour que le dossier qui a déjà 3 mois de retard n'en ait pas 3 de plus. Bernard, puis-je vous demander simplement, vous êtes en ligne avec qui? Je suis en ligne. Nous sommes à 3 en ligne, puisque donc nous avons la personne de la CAF à Saint-Lô et évidemment Pauline, la fille de notre auditrice, et elle, ça discute fort. Et je veux dire, on est soumis soi-disant au secret professionnel, donc on peut même pas, la fille ne peut même pas parler pour sa mère. D'accord. Un truc incroyable. Dites-moi, Bernard, êtes-vous bourré? Non, je suis pas bourré, je suis stressé parce que là, franchement, je suis inquiet pour cette dame-là. Mais non, ne soyez pas inquiet, oh là, vous plaisantez, vous nous connaissez mal. On va remuer ciel et terre, on appellera s'il le faut le ministère. Je vois mal comment un ministère pourrait nous dire, eh bien oui, quand on se trompe sur un dossier, on refait patienter après, c'est comme ça qu'on conçoit la politique. Non, et moi je veux du concret, c'est notre façon de nous présenter aux primaires. Faudra aller voter d'ailleurs aux primaires, hein, je vous le dis. Faut voter à toutes les primaires. Moi j'irai voter aux primaires de la droite et aux primaires de la gauche. Non mais c'est important de choisir vos candidats. Voilà. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'on va pas aller voter aux primaires de droite et c'est pas parce qu'on est de droite qu'on va pas voter aux primaires de la gauche. 2 ou 3 euros je crois. Voilà, il faut choisir vos candidats parce que si jamais le vote n'est pas le bon, que vous ne vous retrouviez pas avec un deuxième imposé. Que se passe-t-il? La bonne nouvelle, Julien, c'est qu'on va avoir quelqu'un de la CAF en ligne dans quelques minutes. Vous me l'avez dit déjà tout à l'heure. Je vous confirme, j'ai eu quelqu'un qui va nous chercher quelqu'un qui va nous dire des choses. Elle n'a que ça à la bouche, elle. On va avoir un responsable de la CAF. Bon, j'espère, mais on va se battre comme des chiens parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et puis, il y a un cas qui vient d'arriver, une petite fiche. J'espère, on va voir si on a le temps de le faire au lundi matin, mais encore un cas d'urgence. Là, les cas d'urgence, il y en a beaucoup, mais on ne peut pas faire autrement. Allez, on va se retrouver sur l'antenne d'RTL dans une seconde. Et encore une aberration, Julien. Un petit coucou à nos amis d'Argentré du Plessis, c'est dans l'Ille-et-Vilaine, car au Centre culturel Cesson-Sévigné, je jouerai pour la dernière fois le One Man Show avant d'attaquer le nouveau, samedi 15 octobre à 20h à Argentré du Plessis dans l'Ille-et-Vilaine au 15 octobre. Voici maintenant un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre sur RTL, c'est Tire Forfait, hein, bien sûr. Everybody wants to rule the world. Cette chanson est peut-être la seule où on peut dire n'importe quoi sans que personne ne s'en aperçoive. Everybody wants to rule the world. Une petite parenthèse dans la spécialiste du divorce. Et là, vous le savez, c'est la plus grande spécialiste du divorce en France, Maître Novakovic. Et apparemment, elle a des infos sur Brad Pitt et Angelina Jolie. Je sais rien. Je dis simplement que j'ai vu dans les journaux. Ah, dans les journaux. Qu'est-ce que vous avez lu? On ne sait pas. Il y en a qui disent que c'est Brad Pitt qui sera en tort, d'autres qui disent c'est Angelina Jolie. Oui. C'est vrai que c'est passionnant. C'est un dossier, effectivement, on peut en dire. Non, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. Mais je vais pas tout dire. On est en antenne. C'est vous avez direct. Lu dans un journal qu'apparemment Angelina Jolie pourrait. Ben, tout ça, c'est au conditionnel parce qu'il y a les deux parties qui s'opposent. Oui, aurait proposé des petites réunions à plusieurs. Une union, j'ai lu ça dans un journal. Aurait voulu une union libre et elle, lui ne voulait pas, etc. Mais on n'en sait rien. Ce que d'autres disent que c'est lui qui sera en tort, on n'en sait rien. On peut pas semer des choses qu'on ne connaît pas. On n'a pas le dossier. Mais on passe des parties fines d'Angelina Jolie à Brad Pitt, à maintenant à la CAF. Exactement, Julien, c'est le cas de Pauline avec sa maman. On avance, il y a bien le secret professionnel, on ne peut pas parler directement à la place de la maman, c'est une réalité, c'est marqué dans les textes, on me l'a confirmé, mais par contre, j'ai eu quand même des informations intéressantes et c'est une bonne nouvelle pour Pauline. Le dossier a bien été transféré, maintenant c'est OK, et elle va recevoir son règlement, à mon avis, sous huitaine grand maximum. Est-ce que Pauline est en ligne avec nous? Oui. Pauline, avez-vous entendu sous huitaine, et d'ailleurs on va se rappeler, Charlotte, Sarah vont s'occuper de ça, dans 7 jours, donc vendredi prochain, vous nous appelez pour nous dire elle a reçu ou elle n'a pas reçu, d'accord? D'accord. Ça vous convient? C'est parfait. Bon, merci Pauline, merci à la CAF. Alors il y a une autre alerte. Ne partez pas Pauline, on va peut-être avoir le directeur de la Manche directement en ligne, Julien. Ils vont nous rappeler parce qu'ils se trouvent dans les locaux à Paris. D'accord. Et vu qu'on vient d'avoir Paris, ils nous rappellent dans 2 minutes. Ça fait quand même 3 fois que vous nous faites une alerte pour quelqu'un qui ne vient jamais. Donc on va attendre, on va voir ça dans quelques instants. On va savoir même s'il existe. Pour se faire mousser, elle fera n'importe quoi celle-ci. Ça va. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous aider. Problème, chirurgie esthétique, plombier, garagiste, aberration administrative, voyage, cauchemar, quelle que soit l'aberration que vous vivez, vous nous appelez. Et vous n'oubliez pas que vous gagnez un MacBook Pro, il vous reste quelques minutes pour faire le 3210, touche numéro 2, et ensuite touche numéro 1. Bonne chance! A tout de suite sur RTL. Avoir bien chaud pour bien moins cher, c'est le pari de l'or pour cet hiver. Alors elle profite des promos de la rentrée chez Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 30 septembre au 1er octobre, Bricomarché crédite sur votre carte de fidélité 5 euros par tranche de 50 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 5 euros tous les 50 euros d'achat, infos et magasins participants sur bricomarché.com. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien? 250 euros de bons d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000 euros en cash tous les soirs. Jouer en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy, des idées de génie. Qui fait mieux que Conforama? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 euros en bon d'achat par tranche de 300 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros offerts ce week-end! Et oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur Conforama.fr. Oliver Twist le musical. Une création française dans la pure tradition de Broadway, avec 21 artistes et musiciens. Dirigé par Ladislas Chola, le metteur en scène de Résiste. Il sera tellement fier, mon père. Oliver Twist, le musical, actuellement à la salle Gaveau. Avec RTL et France 2. Monoprix. Tu sais que t'es une vraie blogueuse beauté quand tu te remaquilles dès que quelqu'un sort son portable dans la rue? Et tu sais que t'es encore plus une blogueuse beauté quand tu sors faire ton shopping make-up chez Monoprix et que tu tweets que tu fais ton shopping make-up chez Monoprix. Pendant les 9 jours Monoprix, tous les rouges à lèvres Monop Make-up sont à 4 euros au lieu de 6,99 euros. Faites vite, c'est jusqu'au 9 octobre. Monoprix. Conditions et magasins participants sur monoprix.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous revenons une nouvelle fois sur un cas traité hier. C'est un feuilleton qui s'écoute du lundi au vendredi de 9h30 à 11h, cette émission. Guy, est-ce qu'il est en ligne, Guy? Oui, tout est en ligne. Allô, Guy, m'entendez-vous? Non, il m'entend pas. Je l'entends. Si, voilà. Guy, vous aviez laissé un message, le voici. J'ai fait construire un mur par un artisan. Ce mur commence à s'écrouler. Je l'ai dit, je l'ai écrit à l'artisan, mais il s'en moque. Comme j'ai plusieurs gros chiens, j'ai peur qu'ils ne s'échappent et qu'ils aillent terroriser les villageois. Alors, le toutou est gentil, hein, c'est des canets corsos, mais c'est très impressionnant. Les canets corsos, c'est très mastoc. Il en a 14, mais il n'a pas que ça. Et je crois qu'il a un cheval, une chèvre, des etc. Oies, des il y a des oies, il a tout. Phobie des poules. Et le mur, c'est cool au bout de. Enfin, c'est cool, c'est ce qu'il nous dit. Au bout de 2 ans, ce qui n'est pas normal, il a payé 17 000 euros. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles du voisin ou vous étiez carrément rendu chez lui et toujours rien? Oui, toujours rien. J'ai sonné, j'ai tapé au carreau. Il n'y a rien à part le chien qui a bougé. Bon, il doit savoir maintenant, mais vous avez vu la camionnette, il va travailler? Comment? Il travaille, il continue à aller faire des murs. Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais je vous ai expliqué qu'il travaillait beaucoup sur la Meuse. Et donc, ça, c'est à quelques kilomètres d'ici. Si je ne le vois pas partir le matin, je ne sais pas s'il est au boulot ou pas. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que la camionnette était devant la porte et puis qu'elle ne bougeait pas, quoi. D'accord. On va relancer un appel pour qu'il vous donne des nouvelles. Il n'est pas obligé de nous parler à nous, mais il est obligé. Mais à vous, il vous doit quand même, je pense, moralement, quelques nouvelles. Donc, nous cherchons à joindre Décoration Tout Style. Peut-être travaillez-vous avec lui en ce moment. Cet homme est peut-être un très bon artisan. La question n'est pas là. La question est juste où on veut savoir ce qui se passe avec le mur. Monsieur Daniel Eluy, H-E-2-L-U-Y, de Décoration Tout Style, basé en Meurthe-et-Moselle dans le 54. Maître Novakovic. Oui, alors Guy, bonjour. Et surtout, Guy, il faut absolument que vous rappeliez de mon conseil de l'autre jour, c'est attention à la garantie décennale. Donc, passé le délai de 10 ans, vous ne pourrez plus intenter quoi que ce soit contre cet artisan. Donc là, on va essayer de vous aider. Mais il est évident que si on ne parvient pas à le joindre, il faudra l'assigner, saisir un avocat pour l'assigner. Car sinon, vous allez perdre ce délai qui est indispensable, sinon vous ne pourrez plus rien faire. Allez, on va essayer quand même de continuer de l'appeler monsieur Eluy de Décoration Tout Style. Soyez sympa, s'il le faut. On mettra la chanson du regretté C'est Jérôme, mais tu dansais. Et lui, tantan, tantan. Vous ne connaissez pas un slow non. Extraordinaire de C'est Jérôme. Faites-nous confiance, Guy, sinon vous enclencherez la procédure oui, ensuite. Ça fait 8 ans déjà. Oui, ça fait quand même beaucoup. Monsieur Eluy de Meurthe-et-Moselle, Jarny, Décoration Tout Style. J'ai envie de faire gagner bon week-end, Guy. À vous aussi, Julien. Et une petite caresse au Calais Corso. D'accord. Ah, le Calais Corso, c'est un chien corse, hein, je crois. C'est pour ça qu'on l'appelle. Non, c'est pas un chien corse, c'est un chien italien. D'accord. Mais on l'appelle Canet Corso parce qu'il gardait les cours. Ah, moi je pensais que c'était un chien corse qui aboyait en faisant. Il servait un peu. Viens manger des croquettes. Viens manger quoi. Le chien n'est pas content. Merci de rire, Guy, vous êtes le seul. Merci pour tout. Je vous en prie, à très vite, Guy. Merci. Un MacBook Pro à la caisse centrale. Le gagnant est demandé sur RTL. Appelons-le, s'il vous plaît. MacBook Pro d'une valeur de 1300 euros. C'est un 13 pouces. Voyons qui va répondre. C'est sympa comme cadeau. Retentez le coup. Vous dites que vous voulez vous faire coiffer. D'accord. Allô ? Oui, bonjour. Je souhaiterais, s'il vous plaît, me faire coiffer chez vous. Excellent. Bon, rien à faire. À chaque fois, elle connaît votre tête, visiblement. Il n'y a rien à faire. Ma non, blague ne fonctionne pas. Non, mais elle ne rit pas pour la blague. Elle rit parce qu'elle s'imagine en train de vous coiffer. Non. Elle se dit, mais c'est pas possible. Erika, bonjour. Ça va, Erika? Oui, ça va très, très bien. Elle est dans les Yvelines. Oui. Alors, vous êtes effectivement coiffeuse. Absolument. Vous avez votre salon ou vous travaillez chez un salon? Non, je travaille pour un patron. Ah, ben faites une petite publicité au patron. Ça ferait une petite prime de fin d'année, ça. Bon, alors, venez chez Sinalex. Sinalex? Sinalex. Oui. Voilà, et ben voilà, c'était tout, quoi. Mais se trouve où le salon? Ah oui, bah oui, il faut quand même que je le dise. C'est mieux, ça serait bien. C'est quand même mieux, il est à Maison Lafitte. À Maison Lafitte. Et voilà. Vous allez recevoir là-bas un MacBook Pro 13 pouces, une valeur de 1300 euros, tout neuf, tout neuf, tout neuf. Ah ben, j'espère bien qu'il est tout neuf. Ben oui. C'est je vais vous faire un super bisou. Merci. Ah bah, c'est génial d'avoir des gens comme vous. Merci beaucoup. Gros bisous, Maërika. Gros bisous et bonne continuation à toute l'équipe. Merci. À bientôt. Ça ne s'arrête que lorsqu'il est 11h et une nouvelle alerte. Marie, s'il vous plaît, sur quel dossier? Soyez précise. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai enfin quelqu'un à la CAF comme prévu. Parfait. Et c'est le directeur, monsieur Le Vavasseur, directeur de la CAF de la Manche. Alors, monsieur Le Vavasseur, directeur de la CAF de la Manche, bonjour. Nous n'avons que quelques minutes, 2 minutes exactement avant la fin de l'émission. Je me permets de vous appeler pour aider une dame qui n'a que 700 euros de pension d'invalidité pour vivre et qui devrait toucher depuis maintenant plus de 3 mois une allocation. Et elle ne l'a pas eu parce qu'il y a eu le courrier s'est perdu apparemment entre Saint-Lô et Caen, et on vient de lui annoncer, ça y est, il est à Caen, mais le délai repart du coup pour qu'on enclenche tout ça. Et là, elle ne peut plus, elle est un petit peu pendue. C'est pour ça que je voulais savoir si vous pouviez nous aider, monsieur Levavasseur. Alors, j'ai fait le point sur le dossier de madame Moisson, et donc nous avons reçu son certificat de mutation de la cave de Caen le 27 septembre. Il a été traité hier. Donc le rappel des droits APL de madame va être versé à son bailleur à la fin du mois d'octobre sur la période qui ah, monsieur, vous pouvez pas le faire. Monsieur, vous pouvez pas le faire avant, ça vient de la CAF le retard, on est d'accord. C'est 4 mois. Oui, mais 4 mois, monsieur. Non mais monsieur, si elle vous appelle, si on est à la radio, c'est parce qu'il y a eu une erreur de la CAF qui a engendré un retard de presque plusieurs mois. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il va falloir encore attendre un mois. Vous pouvez pas déclencher ça. Elle a fait l'avance. Il faudrait peut-être que ce soit elle qui reçoit les fonds. Enfin, monsieur, vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire. C'est le bailleur qui va recevoir les fonds. C'est Manche Habitat hein, qui est le bailleur en question. Oui. Nous, on va prendre contact avec le bailleur pour bien lui indiquer que madame va donc se voir solvabiliser sur la période du 1er juin jusqu'au mois d'octobre. Donc il y aura bien le versement de l'APL. Et en fait, le retard est lié au délai qu'il y a de transfert de son dossier de la cave du Calvados vers la cave de la Manche. Donc on a reçu sa demande le 27 juin. Le certificat la demande de mutation du dossier a été faite dans la foulée. Nous l'avons reçu donc le 27 septembre, comme je vous disais, et le dossier a été traité dans les deux jours qui suivent. Okay. Donc la situation de madame est complètement régularisée. Donc il ne faut pas qu'elle se fasse de soucis. Ah l'argent pas de soucis. Va être versé. Okay. Bon, alors Pauline, est-ce que ça vous va fin octobre? Là, apparemment, on n'a pas le choix. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, bon, on compte sur vous, monsieur, hein, au plus vite. Bernard, dernière seconde. Juste un point, hein, monsieur. Sachez que le Calvados a envoyé tous les éléments. Il nous a dit que le paiement était en cours, donc je pense que ça sera peut-être un tout petit peu plus rapide. Eh bien, j'espère. Ce qu'ils nous disent, eux, dans leur tablette. Je compte sur vous, monsieur Levavasseur, pour faire au plus vite. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon, c'est quand même fou ça, mais bon, c'est l'administration. À un moment donné, on peut c'est pas. C'est le décembre en tout cas. Hein, c'est un avancement parce qu'ils avaient dit décembre gagné, à la base. C'est bien. Fin octobre, on va faire avec. Deux mois. On va se retrouver sur RTL. Tiens, en parlant de Calvados, on va s'en servir un petit parce que là, on a quand même pas chômé. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. En été, j'adore les salades. Pas celles qu'on raconte, hein, celles qu'on partage avec ses amis, avec de bons produits très frais. Vous allez apprécier, Michel. Regardez ces cagettes de belles tomates rondes en grappe, origine France. Ce rouge brillant, sentez-moi ce parfum. Oh, on croirait qu'elles viennent d'être cueillies. En plus, jusqu'à demain chez Market, les tomates grappes sont à seulement 99 centimes le kilo. Mais où allez-vous récolter toutes ces idées? Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Catégorie 1, origine France. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Où va le monde? Quel est le sens de la vie? L'œuf ou la poule? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8 690 € avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurne LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache? Citroën. Offre sous condition de prise d'un véhicule de plus de 8 ans valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Bon ben... On est dans les choux, c'est ça? Dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 99 centimes pièce. Non! Si patron, moins d'un euro la pièce et origine France en plus. Le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rien? Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Pardon patron, désolé mais on est mal. T'as raté? Oui, mais là on est très mal, hein? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine France, catégorie 1. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Lundi, on reprend les armes, on vous aide. Avec plein de bonne humeur. Ce week-end, on se ressource. Demain, ne m'appelez pas, je ne serai pas là entre 17h et 19h. PSG Bordeaux. Maître Novakovic, merci. Merci Julien, bonjour à tous. Je ferai exprès de vous appeler à ce moment-là. Alain Hazard, merci pour tout. Et bravo encore pour Nice pour ce beau match hier. Merci Maître Félonin. Allez, allez Bordeaux. Merci Bernard Sabat. Allez Bordeaux. Et allez RTL, cette radio sera toujours près de vous, vous le savez. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 11h. Ne cherchez pas, on ne peut pas faire mieux. Voici les infos avec Marie Guerrier. Rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Un collégien de 15 ans soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque djihadiste a été conduit ce matin au tribunal à Paris. Il est présenté à des juges antiterroristes en vue d'une mise en examen. Ce garçon a été interpellé avant-hier dans le Val-d'Oise. Il était en contact via la messagerie internet Telegram avec Rachid Kassim, un djihadiste français soupçonné de téléguider ses émules à distance depuis la zone irako-syrienne. L'adolescent était aussi en relation via ce même réseau crypté avec un autre garçon de son âge arrêté le 14 septembre dans le 20e arrondissement de Paris, lui aussi suspecté d'avoir voulu perpétrer une action violente. Le président américain Barack Obama a pris la parole aux funérailles de l'ancien président israélien Shimon Peres. La cérémonie est toujours en cours à Jérusalem. Shimon Peres appartient à la catégorie des géants du XXe siècle comme Nelson Mandela, a déclaré Barack Obama dans son éloge funèbre. Et il a regretté que la paix entre Israël et les Palestiniens dont rêvait Shimon Peres reste un chantier inachevé. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé lui directement au défunt, à quelques mètres de son cercueil. « Mon cher Shimon, je pleure pour toi aujourd'hui, je t'ai aimé, nous t'avons tous aimé. Il y aura la paix, Shimon. Homme cher, leader d'exception, je te le dis du plus profond de mon cœur, il y aura la paix. » Les places boursières sont secouées ce matin. Elles doutent de la solidité de la Deutsche Bank et cela fait chuter toutes les valeurs bancaires. Société Générale perd de 4 à 5% la Bourse de Paris. Barclays recule de 3%. UniCredit perd 4% et Santander 4% également. Le CAC 40 chute aussi autour de 4375 points. L'actualité est marquée ce matin par l'engagement de la France dans la bataille de Mossoul, la lutte contre l'État islamique en Irak pour libérer la ville de Mossoul. 8 avions de combat Rafale ont décollé du porte-avions Charles de Gaulle qui croise à l'est de la Méditerranée. Vous avez pu entendre dès ce matin l'envoyé spécial d'RTL Brice Dugénie depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Demain, 1er octobre, le nouveau mode d'attribution des APL entrera en vigueur. Les patrimoines des ménages seront désormais pris en compte pour fixer le montant de l'aide au logement. RTL vous pose la question, trouvez-vous normal de baisser les APL au-delà de 30 000 euros de patrimoine? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en débattre dans RTL Midi avec Christelle Robière et Vincent Parisot en appelant le 3210. La sonde spatiale Rosetta vit ses dernières heures. Elle va s'écraser à la mi-journée sur la comète Chury, la fin d'une mission qui aura duré 12 ans. Et vous pouvez suivre en direct vidéo ce dernier voyage de Rosetta dès maintenant sur le site internet rtl.fr. La météo, une perturbation faiblement pluvieuse s'étire en ce moment de la Vendée, du Poitou-Charentes jusqu'au centre, au nord de la Bourgogne, à la Champagne-Ardenne et à la Lorraine. À l'avant, entre l'Aquitaine et l'Alsace, le ciel est variable, mais ça va donc devenir de plus en plus nuageux au fil des heures, avec même un risque d'averse orageuse. Les nuages sont également bien présents sur le Languedoc-Roussillon jusqu'aux Cévennes, avec des risques d'averse d'orage. À l'arrière, sur la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, ça reste nuageux avec quelques averses. En fait, le soleil, on le trouve sur Midi-Pyrénées et l'extrême sud-est du pays. Les températures, elles sont en baisse sur la moitié nord. On attend au maximum cet après-midi 18 à Brest, 19 à Nancy et Paris, 20 à Lille, mais encore 25 à Lyon, 29 à Agen et 30 à Montauban. Les courses à Vincennes en nocturne, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 5, le 18, l'As, le 17, le 12, le 15, le 8 et le 16. La dernière minute, c'est l'As vis-à-vis. Il est 11h04, vous êtes sur RTL bien sûr. Et c'est le début d'À la bonne heure avec Stéphane Bern. Merci beaucoup Marie Guerrier, on vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais nous sommes déjà dans À la bonne heure avec notre invité que je vais vous présenter, Franck Dubosc. Mais d'abord, un petit tour. Bonjour Franck, merci. Bonjour. Un petit tour d'horizon. À la une, comme tous les vendredis, Marc Giraud et son animal à grosse queue. Bonjour à tous. L'écureuil. Absolument. Et j'ai apporté mes noisettes. Ah ben très bien, on va parler de votre livre aussi. Bien vendu. Juste après le journal de midi, vous retrouverez comme tous les vendredis le feuilleton de Régis Maillot, VDB. Oui. Ah, c'est vraiment tout en dessous de la ceinture, apparemment. Oui, hein, oui. Régis Maillot, l'animal à grosse queue. Je t'aurai toujours sur ton nom. Tu m'auras toujours. Oui. Ouais. Oui. Ça ne change pas. Si j'ai une petite information à vous donner, le rap de Stéphane Bern. Ah bon, j'étais. Ah oui. Qui était rappé. Le rap de Stéphane Bern.